Primo, je ne suis pas déçu de la coopération avec l'Est. Il n'a jamais été question de se fermer à l'Ouest. Tout ce que j'ai fait par rapport à mes prédécesseurs, c'est s'ouvrir à l'Est. Et bien m'en a pris, puisque nous avons pu avoir du pétrole de l'Union soviétique depuis 4 ans. Bien m'en a pris, parce que l'Union soviétique, par exemple, nous a donné 100 000 tonnes de riz. Les Chinois, c'est la même chose. Les Chinois ont construit une route qui, on appelle ça la route Nylon de Madagascar, etc., etc. Si c'était à refaire, vous recommencez. Mais je continue, j'en viens. On va en parler. Je viens de la Corée, je viens de Moscou. Oui. Et j'ai pu obtenir quelque chose de Moscou. Comment vous jugez l'aide économique de la France à Madagascar? Est-ce que vous croyez que c'est gratuit? Vous savez très bien le mot du président Mitterrand, aider le tiers-monde, c'est s'aider soi-même. Alors pourquoi pas Madagascar? Est-ce que Madagascar ne fait pas partie du tiers-monde? Je suis content de l'aide de la France. Et je suis content que la France ait accepté d'augmenter son aide. Vous êtes satisfait de cette aide? On n'est jamais satisfait d'une aide. Hein, on veut toujours plus. Le président malgache vient de nous rappeler qu'il ne faut pas oublier ou minimiser l'aide venue du monde soviétique. C'est l'URSS, naturellement, qui a commencé cette politique d'aide dès la fin des années 1950 en direction des pays progressistes, le Ghana de Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré et le Mali de Modibo Keïta. La Chine a suivi ce mouvement pendant les années 60 en relation avec l'apparition de régimes se réclamant ouvertement du marxisme-léninisme. Madagascar appartient à la troisième vague des pays africains qui vont bénéficier de la coopération avec les pays communistes. Ce sont des États africains qui ont adopté le marxisme dans les années 1974-1975 et ce sont des pays qui vont profiter de la rivalité et de la surenchère entre les deux grands du monde communiste. Un événement d'ordre économique va marquer cette période, celle des années 90, la dévaluation du franc CFA. Alors que de nombreuses monnaies des ex-colonies britanniques ont connu de spectaculaires dévaluations dans les années 80, le franc CFA, lui, était demeuré stable. Mais voilà que, dès l'été 1993, circulent de persistantes rumeurs de sa prochaine dévaluation. Une perspective qui semble irriter, en octobre 1993, le président du Gabon, Omar Bongo.